Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 30e épisode de la mécanique des ondes. Et oui, dans un sens, on fête un petit peu un anniversaire aujourd'hui. Nous allons passer, comme d'habitude, trois quarts d'heure pour parler carrière radiophonique avec celles et ceux qui sont devant et derrière le micro. Aujourd'hui, je reçois une journaliste, elle est bien devant le micro, je le confirme. Elle parle média tous les matins à 9h40 sur France Inter, Sonia De Villers. Bonjour. Bonjour Cécile. Première question traditionnelle de l'émission, vous êtes au micro d'une radio associative et j'aimerais savoir si ça vous rappelle les souvenirs. En fait, ça me rappelle peu ou pas de souvenirs, pour la bonne raison que, en fait, j'ai presque pas de souvenirs radio. Moi, je viens d'une famille où on écoutait très peu la radio. On écoutait France Musique uniquement pour la musique et quand les gens se mettaient à parler, on coupait la radio. Mais vous parliez entre vous, rassurez-moi. Exactement. Donc, en fait, j'ai démarré la radio en ayant très très peu de culture radio, très peu de souvenirs radiophoniques. Et surtout, j'ai eu la chance de démarrer la radio dans une grande maison où on transmet la culture radiophonique. Et pas n'importe quelle culture radiophonique, on transmet la culture de Radio France. Et notamment par le biais des réalisateurs. Moi, j'ai toujours voulu et toujours eu la chance de travailler avec des grandes réalisatrices, des femmes, beaucoup plus âgées que moi, souvent en fin de carrière, donc avec beaucoup, beaucoup de bouteilles, et un vrai amour de l'histoire de France Inter, du ton France Inter, de la liberté France Inter, de la patte France Inter. Et donc avec une vraie volonté de transmettre ça, de former les jeunes, de former la génération à venir. Et ma culture radio, je la leur dois à elles, à ces femmes-là, aux réalisatrices de radio. Alors avant de revenir à France Inter, qui est donc votre maison actuelle, on va dire, qu'est-ce que vous faites comme études et comment vous arrivez au final au journalisme, puisque à la base vous êtes journaliste? Alors, plutôt par hasard, moi j'étais littéraire, amoureuse de mon professeur de philosophie en cagne, comme il se doit. Donc j'étais en cagne de philo, j'ai passé le concours de normale sup en philo, que j'ai raté. Ensuite je me suis réorientée en philo en fac. En fac, j'ai continué la philo jusqu'en DEA. J'étais même inscrite en thèse. Je me suis spécialisée en esthétique. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur l'œuvre d'art, sur le beau. J'ai travaillé sur Bergson. J'ai mis en relation les concepts de Bergson avec ceux de la sculpture et de l'espace et du temps dans la sculpture. Un peu sur le modèle de Gilles Deleuze, comme Gilles Deleuze l'avait fait sur le cinéma. C'était absolument passionnant. Le parcours était tout tracé. Sauf que quand on démarre sa thèse en philo, on vous conseille sérieusement de passer l'agrégation. Je me suis inscrite en agrégation et c'est là que j'ai réalisé que je passais pas du tout un diplôme mais un concours de recrutement de l'éducation nationale. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais profondément et vraiment envie d'aller voir ailleurs avant de passer de l'autre côté du miroir. Maintenant je le regrette, j'aurais dû la passer cette agrég. Je suis rentrée en stage au Figaro au milieu de l'agrégation de philo. Je n'ai jamais passé mon agrégation de philo. Maintenant c'est trop tard, j'aurais dû d'abord passer l'agrég et ensuite aller au Figaro. Donc je suis arrivée au Figaro en stage avec seulement et simplement la volonté de me réinscrire dans la vie, de sortir en fait du huis clos de ces études littéraires qui étaient passionnantes. Je suis arrivée en stage au service culture du Figaro et au service culture, un service culture dans une grande rédaction, c'est un panier de crabes, c'est extrêmement difficile de faire sa place et surtout c'est un endroit où coexistent des journalistes et des critiques. Et c'est très difficile de faire son trou entre des journalistes et des critiques. Et c'est pas très intéressant au début parce que vous avez très très peu de marge de manœuvre, chacun a son champ, le théâtre, le cinéma. Très défini, etc. Il y a peu de place pour les autres et en tout cas, ils vous en laissent pas beaucoup. Et c'est complètement par hasard, au gré des vacances, des uns, des autres. Vous faites des remplacements. Voilà, qui manquait du monde au service média. Et donc, le service média du Figaro, les pages médias du Figaro, ce sont des pages économiques. Donc, en fait, j'ai démarré très vite dans le journalisme média, mais dans des pages économiques qui sont plutôt lues par des professionnels plutôt que par le grand public. Et j'y ai passé 10 ans où j'ai appris vraiment mon métier. C'est-à-dire que j'avais pas choisi le journalisme, j'avais encore moins choisi ce sujet, les médias, mais j'ai réellement appris mon métier parce que je l'ai appris dans un quotidien. Donc j'ai appris à gérer de l'actu, un temps chaud, j'ai vu naître le web, puisqu'au départ on n'avait pas le Figaro.fr. Donc j'ai vu naître une deuxième temporalité du journalisme où à la fois on bouclait à 18, 19 ou 20 heures pour la première édition. On était de permanence pour une deuxième édition à 22 heures. On avait même une troisième édition, rendez-vous compte à l'époque, à minuit. Et même parfois, la capacité de encore modifier nos moras jusqu'à 1 heure du matin. J'ai connu les permanences du dimanche pour être dans l'actu chaude le lundi matin. Et puis, j'ai connu aussi l'arrivée du Figaro.fr et la nécessité de réagir en temps et en heure. Alors, je reviendrai sur le numérique, mais votre métier de journaliste, quand vous arrivez dans une rédaction, effectivement, comme vous le disiez, un panier de crabes, comment vous apprenez votre métier de journaliste sur le tas? Mais vous demandez des conseils, vous êtes déjà une littéraire, c'est vrai, hein, vous devez avoir le sens de la justement syntaxe. Justement pas. C'est-à-dire que j'ai complètement désappris à écrire. C'est-à-dire que je venais de rendre un mémoire sur Bergson, de DEA, un premier en maîtrise, je commençais ma thèse, et j'ai un souvenir extraordinairement douloureux, c'est celui d'avoir passé 4h30 sur la rédaction d'une brève. L'écriture journalistique, elle est très différente de l'écriture universitaire. Il faut tout désapprendre, il faut réapprendre. Il faut réapprendre à écrire au présent en permanence, parce que c'est un temps beaucoup plus réactif et beaucoup plus chaud. Donc pour raconter ce qui se passe le matin dans une page, même si ça a été écrit la veille, eh bien vous racontez au présent. Il faut apprendre à écrire en peu de mots. Il faut apprendre à écrire une accroche de son papier pour attraper son lecteur. Il faut apprendre à le problématiser. Il faut apprendre tout un tas d'écritures journalistiques. Oui, qui s'apprennent sur le tas, vraiment, qui s'apprennent sur le tas. Moi, ma grande chance, c'est d'avoir eu un très solide bagage culturel et intellectuel. Ensuite, j'ai appris sur le tas ces techniques d'écriture, désappris mon écriture d'origine et puis ces techniques d'écriture. Et puis surtout, ce que j'ai appris, c'est à se faire son carnet d'adresse. Et ça, je l'ai appris... Et vous partiez de zéro. Je partais totalement de zéro, et ça je l'ai appris en côtoyant les autres journalistes du service média. Je l'ai appris aussi sur la coupe d'Emmanuel Schwarzenberg, qui était mon rédacteur en chef, qui était quelqu'un d'extrêmement puissant et influent à l'époque dans le journalisme média, qui m'a appris à constituer mon carnet d'adresses, à le gérer, à l'entretenir, et puis à instituer un rapport de force avec les gens de ce carnet d'adresses, parce que c'est ça aussi, d'être un contre-pouvoir. Le Figaro Économie, c'était simplement une ligne, on va dire, libérale. Et je vais vous dire une chose, pour vous déniaiser sur les médias, la page média du Figaro, il n'y a pas meilleur endroit. Et surtout que le sujet qu'on m'a très rapidement confié, c'est l'actualité des grands groupes de communication. Or, que sont les grands groupes de communication pour un média privé? Ce sont à la fois un sujet journalistique et en même temps leur premier client. De quoi vit un journal? Des recettes publicitaires. Donc je me suis retrouvée à un poste extrêmement délicat où d'un côté, il faut sortir de l'information, il faut faire son travail de journaliste, et d'un autre côté, on sait très bien que si on se fâche avec Havas et Publicis, en un coup de fil, ils peuvent avoir et peuvent demander votre tête, même si les pratiques étaient quand même déjà largement en train de changer quand moi je suis arrivée. Mais je suis arrivée dans cette tradition-là. Donc, vous vous déniaisez complètement. Vous vous rendez compte du pouvoir exorbitant des grands groupes publicitaires sur l'ensemble des médias. Ça, je l'ai vécu, moi, au Figaro, mais surtout, j'ai vu cette mainmise, cette emprise, cette influence des grands groupes publicitaires sur l'ensemble des chaînes de télé, des journaux, des radios privées. Ça vous permet de comprendre énormément de choses. Alors qui vous servent par la suite. Vous y restez combien de temps au Figaro? Alors, j'y reste 10 ans. Et en fait, en cours de route, on va dire à mi-chemin, je suis recrutée tout à fait par hasard par France Inter. En réalité, à cette époque-là, Isabelle Giordano, qui était déjà depuis plusieurs années sur France Inter, où elle a animé toutes sortes d'émissions différentes, venait de se voir confier par Frédéric Schlesinger, qui était le directeur de France Inter à l'époque, une toute nouvelle émission qui allait démarrer à la rentrée suivante à 10h, de 10h à 11h, qui s'appelait Service Public, qui était vraiment la défense du citoyen et du consommateur. Moi, à l'époque, je m'occupais de ces dossiers publicitaires au Figaro, et c'était une époque très charnière dans l'histoire de la publicité française. Il y avait des anti-pubs qui arrachaient les affiches, qui les taguaient à coups de marqueur absolument partout. Il y avait de grands débats sur l'image de la femme dans la publicité, qui ont donné lieu d'ailleurs à des nouvelles réglementations, à des nouvelles législations. Il y avait des grands débats sur la présence de la publicité dans les programmes pour enfants. Il y avait des grands débats pour savoir si la publicité sur l'agroalimentaire était responsable de l'obésité infantile, entre autres, sur la responsabilité de la publicité automobile dans les morts sur la route. Tous ces débats-là, Isabelle Giordano m'a dit « ce serait bien ».

aussi une émission qui m'apprend tout ce que doit être une émission de radio, c'est-à-dire pas tous les jours la même chose, une émission qui ne parle pas à notre petit nombril, à nous, de journalistes et aussi de gens bien informés et très parisiens, mais une émission généreuse, une émission ouverte vers les gens. Je pense que si Isabelle Giordano a quelque chose d'absolument authentique et formidable, c'est ça, c'est que c'est quelqu'un qui parle vraiment aux gens. Et elle ne cessait de me répéter quand on discutait des sujets, on avait des grandes réunions pour savoir, pour discuter des sujets, des dossiers qu'on allait traiter dans le service public, et puis après, plus précisément de nos chroniques, ça parle à qui ? Demande-toi à qui ça parle, ça intéresse qui. Et elle n'a cessé de m'ouvrir, justement. Et moi qui venais de pages qui étaient plutôt lues par des professionnels, c'est là que j'ai appris à parler à tout le monde, à donner, à être généreux, à tendre la main à travers le micro. Et ça a été une très, très bonne école de radio, vraiment. Je vous sens un peu critique. Pourquoi ? Parce que suite à votre, on va dire, votre émission actuelle des médias, vous êtes critique par rapport au journalisme d'aujourd'hui, Sonia Deville ? Non, c'est pas être journaliste, c'est pas être critique vis-à-vis du journalisme d'aujourd'hui, mais je pense qu'il y a vraiment deux types d'animateurs. Ça se voit à la télé, ça s'entend parfaitement à la radio, ça se dessine entre les lignes d'un papier plus ou moins écrit. Il y a à faire du journalisme pour se mettre en scène, et puis il y a à faire du journalisme pour donner. Voilà, à ceux qui vous écoutent, à ceux qui vous regardent et à ceux qui vous lisent. Et voilà, disons que j'appartiens plutôt à la deuxième école, on va dire ça comme ça. Service public, ça dure jusqu'à quand ? Vous y restez combien de temps ? Alors, service public, ça a dû, donc comme vous l'avez compris, j'ai un gros problème avec les dates. Je pense que ça a dû durer 4 saisons, quelque chose comme ça, 4-5 saisons. J'y suis restée. Et puis, en cours de route, j'ai quitté le Figaro. Et à ce moment-là, c'était Philippe Val, le directeur de France Inter. Et je commençais à chercher du boulot, à droite, à gauche, j'en avais plus que marre des médias. Mais quand je vous dis plus que marre, ça me sortait par les yeux comme sujet. Encore une fois, je l'avais fait de manière très spécialisée, sur des sujets très techniques et très restreints, je pouvais plus les voir en peinture. Le microcosme puissant et parisien qui allait avec, pareil. Et donc, en fait, Philippe Val m'a très rapidement proposé de faire mes armes comme animatrice. Donc à France Inter, on a un jargon un peu particulier, on appelle ça des producteurs, donc comme productrice. Et il m'a confié le 9-10 de l'été. Et donc j'ai créé mon émission qui s'appelait Le Grand Bain. Et Le Grand Bain a été le 9-10 de l'été, 4 années d'affilée. Et ça, ça a été une école absolument extraordinaire, parce que pour la première fois, c'est moi qui avais les rênes. Je manageais mon équipe, je choisissais mes sujets, je choisissais mes invités. Tous les gens que je rêvais un jour de rencontrer, je les ai rencontrés, je les ai fait venir dans mon studio. Et puis surtout, l'été, vous avez quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire, on vous laisse une liberté dingue. Vous êtes beaucoup moins surveillés par la concurrence. Donc, vous surveillez beaucoup moins la concurrence. Et du coup, vous êtes vraiment dans un face-à-face entre vous et le public. Et je peux vous dire que à cette époque-là, c'était un petit peu avant l'envol des réseaux sociaux, on suivait beaucoup beaucoup les réactions des auditeurs sur les mails et sur le site de France Inter. Et la gratitude des auditeurs, parce que vous avez été là à leur côté tous les matins de l'été, et que vous les avez suivis en vacances, et que surtout, pour la majorité des gens qui ne partent pas, vous ne les avez pas lâchés. Et il y a quelque chose, il y a une forme de complicité, il y a un lien très très fort qui se crée l'été, vraiment, il y a un lien très fort qui se crée l'été avec les auditeurs. Pour moi, ça a été une école merveilleuse, un souvenir merveilleux. En plus, on travaille en toute petite équipe, les patrons s'en vont, donc c'est la fête dans toute la radio, on a tous des cernes jusqu'au nombril, parce qu'on travaille et qu'on n'est pas assez pour faire ces émissions, que comme on sait qu'il faut tout donner jusqu'à la fin août, parce qu'après c'est les grandes personnes qui vont reprendre la radio, on se donne à 300%, trop d'ailleurs, on se crame littéralement, on finit complètement sur les genoux, mais c'est des très très beaux moments les étés à la radio. Et puis moi je suis vraiment contente parce que j'ai vraiment fait mes classes, j'ai commencé comme chroniqueuse d'une grande dame de radio, accompagnée par des grands réalisateurs. Ensuite, j'ai eu mon émission d'été 4 années d'affilée. Ensuite, j'ai eu une hebdomadaire le samedi après-midi. C'est encore autre chose de faire de la radio le samedi après-midi. C'est tout à fait différent. Moi, j'étais en direct. La plupart des émissions étaient enregistrées autour de moi. Il se passait pas grand-chose dans les studios. C'était quelque chose de très feutré. Ambiance week-end. Oui, une ambiance week-end. On sent pas la même agitation que le matin, la même effervescence, la même nervosité. Il faut trouver d'autres marques. Il faut trouver d'autres façons de parler aux gens aussi. Et il y a quelque chose que j'aimais beaucoup le week-end, c'est que bon, forcément, c'est pas évident de demander à des gens, à des invités, de venir en direct le samedi après-midi à 16h. Ils ont une vie. La semaine a été difficile, ils ont envie de se reposer. Et la plupart d'entre eux me demandaient spontanément s'ils pouvaient venir en famille à la radio parce qu'ils avaient les enfants à garder, etc. Mm-hmm. Et moi, j'adorais ça. C'était juste avant que la radio soit filmée. À France Inter, on est filmé maintenant au quotidien, l'Instant M. Mon émission de 9h40, elle est filmée tous les jours. Mm-hmm. On n'avait pas de caméra dans les studios. Et moi, j'adorais ça. Et donc, j'ai fait toutes les émissions du samedi après-midi avec le beau-frère, la belle-sœur, les ados, la petite copine de l'ado, les enfants, etc. La grand-mère, tout le monde venait visiter France Inter, voire même parfois c'est moi qui le proposais aux invités et je trouvais ça très chaleureux. Moi, si je pouvais faire des émissions en public tous les jours, je crois que je le ferais. On va en reparler. Peut-être que c'est un projet à venir. À chaque changement de format, c'est vous qui proposez, ce sont les directeurs de France Inter qui vous... C'est un dialogue. C'est la volonté de continuer d'abord, de rester sur la grille, de progresser, de faire autre chose, de faire plus, de faire mieux, de continuer à évoluer. Ça, j'ai eu vraiment de la chance parce que Laurence Bloch, elle me connaît depuis que je suis toute petite, du coup, sur cette antenne. Elle est arrivée, j'étais juste la chroniqueuse d'Isabelle et elle m'a vue progresser, elle m'a aidée à progresser, elle m'a poussée à progresser aujourd'hui. Donc ça, d'abord, j'ai eu vraiment beaucoup de chance de grandir, de prendre mon temps, de pas être propulsée trop vite en quotidienne, trop vite à une heure de grande écoute. J'aurais pas été capable de l'assumer. J'avais pas la maturité, j'avais pas le métier. Aujourd'hui, je l'ai et je suis très contente qu'on m'ait laissé le temps. C'est un dialogue avec la direction. C'est les besoins de la direction sur une grille. Très, très clairement, pour l'Instant M, il y avait une vraie volonté de la direction qui n'était pas la mienne de remettre à l'antenne un vrai rendez-vous d'actualité des médias. Ça avait été le cas. Il y a quelques années de cela, ça avait très très bien marché. En fait, à l'époque, c'était Nicolas Demorand qui animait la matinale d'Inter. Et puis, il y avait un 9-10 qui était moitié culture avec Vincent Josse, moitié média avec Colombe Schneck. C'est une formule qui avait très bien marché. Ils ont décidé en fait de reprendre tout simplement cette formule. Donc après la matinale de Cohen, ils ont divisé le 9-10 en deux tiers, un tiers, on va dire, culture avec Augustin Trapenard, et puis il fallait un créneau média. Donc en fait, le besoin et l'idée de refaire des médias sur France Inter à une heure de grande écoute, elle est venue d'eux. Moi, c'est vrai que j'avais ce profil d'ancienne journaliste média, et en même temps, j'avais pas envie des médias, j'avais vraiment pas envie de m'y recoller. Et en fait, ce qui a été vraiment formidable, c'est que d'un côté, j'avais un bagage extrêmement solide d'avoir géré les médias dans un grand quotidien d'actualité, au rythme de l'actualité. Et aujourd'hui, l'Instant M, c'est une émission très réactive, qui est vraiment gérée au gré de l'actu. Je change mes invités du jour au lendemain si nécessaire, et c'est tout le temps la cavalcade pour coller à l'actu chaude. Donc ça, heureusement que j'ai fait mes classes dans une page média et dans un grand quotidien. Ça, c'est une première chose. Mais d'un autre côté, entre les deux, j'ai appris à parler de tout. J'ai appris à parler des dragons chinois que j'adore. J'ai appris à parler des voiliers que j'adore. J'ai appris à parler des voyages, de la cuisine, de la littérature, à interviewer des artistes, des hommes politiques, des experts, des universitaires, des sociologues, des philosophes, des historiens. J'ai appris à parler aux gens. J'ai appris à vivre une émission avec des auditeurs qui interviennent en direct. J'ai appris tout ça. Donc, j'ai considérablement élargi ma manière de concevoir ce qu'est une émission pour tout le monde. Et en fait, je pense que l'Instant M, c'est le mélange entre les deux. Entre cette expérience de journalisme média très technique, très professionnalisée, très spécialisée, et les émissions généralistes que j'ai faites auparavant à France Inter. Alors, je reviens un petit peu avant, parce que vous avez commencé la radio, effectivement, vous n'aviez pas d'expérience, un peu comme le journalisme. Hein. Oui. Qui vous a aidé à parler dans un micro, quand même? Vous me dites, vous n'êtes pas propulsé, effectivement, dans une quotidienne, mais vous étiez propulsé devant un micro, à une heure de grande écoute avec Isabelle Giordano. Mm-hmm. Comment vous apprenez à faire? Alors, d'abord, Isabelle Giordano, c'est vraiment quelqu'un qui a presque fait école, je dirais, parce que les anciens de service public, aujourd'hui, vous prenez une Dorothée Barba, elle fait le 5-7 du week-end, brillamment sur France Inter. Vous prenez Thomas Chauvineau, qui est très régulièrement à l'antenne de France Inter et qui travaille à Canal. Vous prenez Antoine Lee, pareil. Vous prenez Myriam Veil, qui aujourd'hui travaille également à Canal. Bref, toute cette bande-là, ensuite, elle a continué avec bonheur dans les médias. Isabelle Giordano, c'est pas quelqu'un qui vous cassait pour pas que vous lui fassiez de l'ombre. C'est plutôt quelqu'un qui vous faisait naître, qui vous faisait éclore, qui vous encourageait. C'est assez rare, on peut le souligner, donc, notamment de la part d'une femme qui encourage d'autres femmes à grandir à l'antenne. C'est assez formidable. Y a ça. Et puis, il y a ces réalisatrices dont je vous parlais, la Marie-Christine Thomas, qui vient de prendre sa retraite après 40 ans de métier à France Inter. Son départ a été très, très émouvant. C'était il y a 3 semaines. Marie-Christine Thomas, qui était la réalisatrice de Service Public, qui a été ma réalisatrice dans l'Instant M, donc c'est vraiment ma maman de radio. C'est quelqu'un qui en effet m'a fait travailler la voix au micro. Moi, je parlais beaucoup trop vite, beaucoup trop fort, je rigolais tout le temps, et comme je parle avec les mains et que je gigote tout le temps, en plus le micro perdait en permanence ma voix, ça faisait des effets absolument insensés. Et donc, avoir quelqu'un dans le casque qui ne vous casse pas, qui ne vous brise pas, mais qui, par petites touches, sait vous dire de se calmer, de se descendre, de poser, de ralentir, tout en gardant ce que vous êtes vous, c'est-à-dire moi, ce qui me caractérise, c'est une forme d'énergie, c'est une forme d'enthousiasme, c'est vrai que je parle à 300 à l'heure, c'est vrai que je gigote et que je parle avec les mains, mais c'est moi. Donc je pense que le grand art de ces grandes réalisatrices, c'est ça, c'est savoir faire en sorte que vous soyez vous, et en même temps que ça devienne un beau moment de radio. Alors c'est le moment de la deuxième pause musicale, Sonia De Villers, histoire que vous repreniez un peu votre souffle. Alors vous avez choisi quoi? Qu'est-ce que j'ai choisi? Je crois que j'ai choisi une chanson italienne de Adriano Celentano, Il ragazzo della Via del Gluck. Ça veut dire le petit garçon hein, de la Via Gluck. La Via Gluck, c'est la rue Gluck. C'est une très très jolie histoire. Ça vous rappellera des souvenirs, je pense, parce qu'il y a des chansons françaises qui sont tout à fait l'équivalent. C'est une très jolie histoire, voilà, d'une campagne qui se modernise, qui voit arriver les buildings, les gratte-ciels et les cités, et des enfants qui continuent de jouer à la marelle entre deux allées, on va dire. Et puis j'adore l'italien. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città, e quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della via blu si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando, amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio caro amico, disse, mi sono nato. Toujours dans la mécanique des ondes de Sonia De Villers avec son deuxième choix musical. Alors, vous pouvez Adriano Celentano. Et le titre? Il ragazzo della Via del Gluck. J'ai l'impression que vous êtes plus à l'aise en italien qu'en anglais. Oui, carrément. Je me suis fait griller. C'est vrai, c'est un de mes grands handicaps dans la vie, c'est l'anglais. Ne le dites à personne. D'accord, ça ne sortira pas de ce studio. Sonia De Villers, on vous a laissé, alors évidemment, et vous y êtes toujours à France Inter. L'Instant M, ça commence en quelle année exactement? Alors, l'Instant M, on est au milieu de la deuxième saison, donc ça a démarré au mois de septembre, pas au début de cette saison, mais la saison 2014. Précédente. 2014 ou 2000 Bon, bref, je sais pas si vous êtes meilleur que moi avec les dates. 2015, non? Non, ça, c'était juste il y a 6 mois. Non, c'est mais vrai? Ouais, c'est ça. 2014. Bon, bah voilà. Bah, après l'anglais, donc, les dates. C'est bien, vous êtes forte, vous mettez tout de suite le doigt sur les points faibles de vos invités. Même, vous avez même commencé le 25 août 2014. Formidable. Très bien renseigné. Merci beaucoup. Voilà. Donc, ça démarre dans une charrette absolument épouvantable, une pression et un stress comme j'en ai rarement connu. Je venais quand même de faire tout l'été en quotidienne avec le grand bain. Il a fallu enchaîner les deux sans avoir le temps de se poser, sans avoir le temps d'y réfléchir. Ça a été douloureux, très douloureux, très mauvais au début. Et puis, il a fallu quelques semaines d'abord pour m'adapter à ce rythme. J'avais 16 minutes. L'émission a été un petit peu rallongée cette année. Augustin finit un tout petit peu plus tôt. J'ai un petit peu plus de temps. J'avais des émissions de 16-17 minutes. J'avais pas l'habitude. Et donc, déjà que je parle vite, mais j'avais la tendance à mitrailler de manière maladive, à couper la parole non-stop à mes invités, à vouloir trop en faire, à aller trop vite. Et puis, j'avais du mal à trouver le ton. Aussi, j'ai en face de moi le pitbull du journalisme média en radio qui s'appelle Jean-Marc Morandini, qui a un carnet d'adresses absolument phénoménal et un grand savoir-faire. Donc, il a toute la profession qui défile dans son studio. Il fallait que je fasse mes armes, il fallait que je m'impose en face de lui. Donc, j'ai eu du mal au début à trouver le ton. C'est venu relativement vite. J'ai été beaucoup aidée par ma direction, par Laurence Bloch et par Emmanuel Perrault, qui était donc le nouveau directeur des programmes, qui venait juste d'être nommé à France Inter, qui s'est passionné aussi pour ce sujet du journalisme média, avec lequel il est très à l'aise, avec lequel il a beaucoup d'affinités. Et donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup encadré les débuts de l'émission. Et donc, je lui dois vraiment d'avoir mis cette émission sur les rails et de l'avoir fait mûrir vite. Alors on est sur une émission média, donc quelle actu plus chaude que les médias au final? Donc effectivement, comme vous le disiez, vous pouvez changer d'un invité du jour à l'autre. Et ça vous plaît? Ah oui, ça j'adore ça. Ça c'est... Et en fait, je ne me souvenais plus que j'adorais ça. C'est-à-dire que c'est en recommençant que je me suis dit, mais en fait j'adore ça l'actu, j'adore ça. Et quand on voit que ça monte et que ça pète en plein milieu d'un après-midi et qu'il se passe quelque chose, être dans la guerre pour avoir le meilleur invité le lendemain, être pile dans la réaction au bon moment avec la bonne personne, c'est très excitant et j'aime ça vraiment beaucoup. Et en plus, c'est formidable de le faire à cette heure-là parce que on est juste après la matinale, donc on sent qu'on est dans le cœur du réacteur de l'information et j'adore ça vraiment. Maintenant, l'idée, c'est justement d'être très très différent de Jean-Marc Morandini sur Europe 1, c'est-à-dire que moi je mixe des débats de fond, des intellectuels, des réflexions parfois même universitaire, sur les médias, des rencontres qui sont des rencontres beaucoup plus humaines. Et pour moi, les rencontres humaines, c'est tout le spectre des médias. C'est-à-dire que j'ai invité des kiosquiers, dont la vie est extrêmement difficile, comme j'ai invité Nikos Aliagas, oui, j'ai vu ça. Grande star de TF1. Mais ce sont des rencontres, ce sont des hommes et des femmes qui incarnent toutes sortes d'échelles médiatiques. Et je trouve que la rencontre est passionnante. C'est aussi un endroit où de discussion et de débat avec les patrons de chaîne, avec les patrons de presse. C'est aussi un endroit pour écouter et comprendre comment travaillent des journalistes, des reporters de guerre, des grands photographes. Donc l'idée, c'est d'appréhender les médias, non pas les médias pour les médias, parce que je vais vous dire un truc, tout le monde s'en fiche, et moi la première. Les petites histoires de la télévision, du mercato et des animateurs entre eux, ou des journalistes qui défendent les journalistes, ce corporatisme-là, vraiment, j'ai du mal. Et c'est vrai que nous, on est tous à pleurer quand on voit un plan social à l'Express, mais il est ridiculement infime par rapport aux plans sociaux qui ont lieu partout en France aujourd'hui. Même si derrière, il y a un enjeu qui est la défense de la liberté d'expression et de l'information, et qui est très important. Donc, l'idée, c'est que moi, ce qui me passionne dans les médias, c'est que c'est une chambre d'écho de tous les mouvements de notre époque. Ça m'intéresse. De montrer à travers les médias tout ce qui se passe dans la culture, dans la politique, dans l'économie, dans la finance, tout le lieu de débat aujourd'hui, ça me passionne. Beaucoup plus que voilà. Dans le flot de l'émission, il y a une question que je veux vous poser également. C'est la question de l'invité précédent. C'est Jean-Patrick Laurent, le directeur de la programmation musicale de WFM. Bonjour Sonia. En vous écoutant assez souvent d'ailleurs le matin sur France Inter, j'ai l'impression que vous invitez pas souvent des hommes de radio, des gens de l'univers radiophonique. Est-ce que vous allez pallier à ce manque dans les jours et mois qui suivent ou pas? Merci. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. D'abord, il faut que Jean-Patrick Laurent sache que je l'écoute tous les matins, moi aussi. Il vous écoute également. Alors, en fait, il faut que Jean-Patrick Laurent sache que avant l'instant M, à 9h40, moi j'ai une chronique qui est un conseil télé pour le soir à 6h40. Et que donc je suis dans ma voiture à 5h40. Et que dans ma voiture à cette heure-là, eh bien je n'ai envie d'écouter que des radios musicales. Et que j'écoute beaucoup YFM le matin, j'écoute RTL2, j'écoute Nostalgie et j'écoute Virgin. Donc comme vous voyez, c'est très très très éclectique et relativement loin de la playlist de France Inter. Je peux avoir très bon goût et je peux aussi avoir très très très mauvais goût quand j'écoute de la musique à la radio. Donc voilà, j'écoute le petit matin sur YFM. J'ai carte blanche pour inviter des radios et des radios concurrentes. Donc, j'ai carte blanche, ce que la radio privée ne fera pas, jamais. C'est vrai. Les radios privées n'inviteront jamais les grandes voix de France Inter. Moi, j'ai reçu Jean-Jacques Bourdin, le matinalier d'RMC, et j'ai eu carte blanche pour le faire. J'ai reçu récemment Sébastien Coé, qui est le leader des soirées sur énergie. J'ai eu carte blanche pour le faire, et on sait... assez fort percuté avec Sébastien Coé, c'était un moment de radio, on peut le dire. Mais quand je reçois un Frédéric Taddeï ou une Caroline Rousse, qui m'est arrivée récemment, j'ai carte blanche également pour dire que ce sont des voix d'Europe 1, même s'il m'arrive plutôt de les recevoir pour des actualités télé. Donc il faut bien savoir que les Marie Drucker qui sont sur RTL... et autres, c'est-à-dire toutes les grandes figures du PAF, allient souvent des contrats entre la télé et la radio. Et que donc, toutes les voix de la radio privée, c'est souvent des personnalités de télévision. Donc, je le dis, je le fais vivre. Maintenant, je trouve qu'il a raison. Je trouve que ça manque. Ça manque. Réellement, ça manque et il faut le faire plus. Ouais. Je l'encourage puisque c'est ce qu'on en parlait avec Jean-Patrick Laurent. C'est un peu le même défaut qu'on trouve au tube sur Canal+. Je vous compare pas du tout avec Ophélie Meunier, quoique, pourquoi pas. Mais effectivement, dans le tube, c'est pareil. C'est-à-dire que, voilà, on va parler beaucoup de télévision. Alors, les médias, c'est pas que la télévision. Absolument. Effectivement, en radio, il y a quand même beaucoup d'actualités, mais bon, on vous en veut pas quand même. Hein, Sonia, c'est quand même non, mais c'est vrai, ça fait partie des choses que j'ai envie de plus développer. Et la grande discussion que j'ai eue avec Sébastien Coé l'autre jour à l'antenne m'encourage à continuer. Vous parlez également des nouveaux, on va dire, des nouveaux médias que sont les réseaux sociaux ou même Internet. Vous avez envie d'en parler encore plus ? Alors, j'essaye de le faire à mon échelle. C'est-à-dire qu'il y a des sujets que je prends en charge avec des invités. J'ai aussi des chroniqueurs qui sont pas là tous les jours parce que j'insiste pour que mon émission elle soit pas exactement formatée. Il y a des sujets qui se prêtent à la chronique, il y a des sujets qui s'y prêtent pas. Et puis surtout, il y a des invités. L'émission est relativement courte, qui méritent largement la totalité de la durée de l'émission. Et ce serait dommage d'amputer leur parole avec une chronique. Donc, je trouve que les sujets de nouvelles technologies, c'est exactement comme les médias en général. Ils sont intéressants quand ils disent quelque chose de l'évolution de notre époque. Et surtout quand on le dit à tout le monde. Pour ma part, je suis technologiquement débile. Je suis venue vous voir à Fréquence Protestante. Je me suis perdue et j'ai sorti mon plan en papier. Je me suis garée sur le côté. J'ai sorti mon plan, mon almanach parisien en papier en me disant je dois être la dernière en France à ne pas chercher Fréquence Protestante sur son iPhone. Et les PTT vous en remercient. Et les PTT m'en remercient. Mais ce que je veux dire, c'est que parce que je suis technologiquement débile, je pense que je suis aussi la garante du fait que quand on parle des réseaux sociaux, du web, du numérique, en général, dans l'instant M, on parle à tout le monde. On parle à toutes les générations, à ceux qui s'y connaissent déjà, mais parce que nous, on essaie toujours d'en tirer des idées de fond et d'en tirer des principes qui nous aident à comprendre notre époque et pas d'être dans la fascination du gadget. On a horreur de ça et on n'en a rien à cirer. Mais également pour que tous ceux qui sont pas très à l'aise avec cet univers-là s'y retrouvent. Et pour terminer cette émission, Sonia De Villers, c'est le moment du questionnaire rapide. Alors, question rapide, réponse rapide. Une femme de radio qui pourrait être votre modèle ? Isabelle Giordano. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence ? Ah ah, L'enfance, c'est France Musique, c'était la radio de mon papa qui nous imposait dans la voiture très très très très fort et voulait toujours lui faire baisser le son. Et la radio qui résume mon adolescence, bah c'est là où je vais vous dire j'ai eu une adolescence vraiment à contre-courant de tout le monde, c'était Chérie FM, RFM et Nostalgie, en boucle les trois. Quelle radio vous réveille le matin? Vous voyez, c'était pas les Clash à l'époque. Quelle radio vous réveille le matin, Sonia De Villa? Ou FM dans la voiture quand je pars à France Inter. Quelle radio vous endort le soir? France Culture. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? Dans la voiture. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais? À la maison. Je déteste la radio qui hurle avec les enfants qui hurlent et à savoir lequel des deux, de quel des deux on va faire monter ou baisser le son, les enfants ou la radio. Pour moi, c'est pas possible. Le meilleur souvenir de radio, s'il n'y en a qu'un à retenir? Un souvenir de radio que j'ai vécu moi? Ouais. J'ai fait une émission à la fin d'un mois d'août et j'ai invité quelqu'un dont j'ai lu chaque ligne des livres à mes enfants, qui s'appelle Claude Ponty. C'est un immense, immense écrivain, un géant de la littérature enfantine, dont les livres sont publiés à l'école des loisirs. Quelqu'un dont les dessins sont absolument extraordinaires, l'imaginaire absolument fabuleux. Et je l'ai invité un matin, à 9h du matin, dans le Grand Bain. Et ça a été vraiment un moment magnifique. Le pire souvenir? Le pire souvenir de radio... Je crois que la première fois que j'ai fait une émission en public et à l'extérieur, ça s'est très très mal passé. Je comprenais absolument pas pourquoi j'entendais rien, pourquoi le temps passait pas à la même vitesse qu'en studio. C'était très très compliqué à gérer. Mais j'ai aussi des souvenirs de gens absolument odieux. C'est-à-dire, vous avez beau vous mettre du sourire, de l'enthousiasme, de la chaleur, de la générosité, vous êtes très souvent contaminé par en fait la nature humaine, tout simplement de votre invité en face de vous. Et il y a des gens qui sont franchement secs, grossiers et antipathiques. Personne ne les force à venir à la radio, on ne sait pas pourquoi ils viennent, mais ça se transforme vraiment en supplice. Et vous, en plus, vous vous sentez redevable vis-à-vis de l'auditeur, donc vous faites des efforts désespérés pour que le direct se passe bien et que vous arriviez enfin jusqu'à 10h. Et là, j'ai quand même quelques moments de souffrance épouvantable. Vous voulez que je vous dise avec qui? Non, ce serait horrible, on aurait des procès, et vous et moi. Un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio? À quelqu'un qui veut faire de la radio. Je pense que la radio exige, même si on ne l'entend pas, une féroce culture générale, une capacité à s'adapter à, je dirais, presque tous les sujets. Parce qu'en face de vous, vous avez affaire à des gens qui ont tous les âges, tous les profils, toutes les cultures, tous les parcours. Et que, encore une fois, c'est pas de la culture générale pour se mettre soi-même en avant. Surtout pas. Moi, j'ai horreur de ça. Vous avez vu, je démarre pas mes émissions avec des billets. Je ne me mets pas en scène. J'essaye de faire en sorte que l'émission, elle soit pour l'invité et pour l'auditeur. Mais parce que il vous faut réagir en direct, c'est-à-dire à chaud, à tous ces profils, à toutes ces histoires différentes, le conseil que je donnerais, c'est que le micro, ça s'apprend. Comme écrire des brèves, des papiers, des bonnes interviews au Figaro, ça s'apprend sur le tas. Je suis pas sûre que j'enverrai les gens dans des écoles de journalisme. Parce que moi, je suis très très heureuse d'avoir fait mes classes dans des classes prépa à Normal Sup et dans les études de philo. Je dirais que ce qui me sert aujourd'hui, vraiment, c'est ces études-là, c'est ce bagage-là. C'est très très bien comme fin, Sonia De Villa, c'est impeccable. Pendant le générique qui va commencer tout doucement, allez, un petit projet pour l'année prochaine? Est-ce que l'Instant M déjà continue? Oui, je pense. Alors ça, je l'ignore. Si un jour vous recevez Laurence Bloch, je vous propose de lui poser la question, ça me rendrait grandement service. On n'est pas une émission de news, je ne vous fais pas concurrence. Donc ça, je ne le sais pas encore, je le saurai à la fin de la saison. Moi, j'ai vraiment envie de continuer cette émission, je l'ai faite sortir de terre il y a 18 mois. J'ai travaillé d'arrache-pied pour l'imposer. Aujourd'hui, on arrive à avoir toutes les grandes pointures du métier et en même temps, on arrive à faire en sorte que les gens, tout simplement les gens, aiment l'écouter. Et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là. Sonia De Villers, merci beaucoup. On vous retrouve tous les matins à 9h40 sur France Inter. Tous les interviews de cette émission, vous les retrouvez sur le www.lamecaniquedesondes.com et puis ne l'oubliez pas, également sur le www.fréquenceprotestante.com. À bientôt. Radio.